Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Martin Luther King et son combat pour l'égalité des Noirs. Je suis contre la violence. Je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham. Nous gagnerons l'égalité raciale. Martin Luther King, en mai 1963, juste après les événements de Birmingham et juste avant la grande marche de Washington et le célèbre discours « I have a dream ». Le combat de Martin Luther King pour la reconnaissance des droits des Noirs se fera sous le sceau de la non-violence, mais se soldera par la plus grande des violences, son assassinat, le 4 avril 1968. C'était un homme d'une extrême simplicité et quand je l'ai rencontré, on me l'a présenté, je n'avais aucune idée de l'influence extraordinaire qu'il possédait déjà à ce moment-là. Il était très jeune, ça fait déjà quelques années, et je garde précieusement ce souvenir de me dire que j'ai pu donner la main à un homme qui a fait de si grandes choses. Et j'ai l'impression qu'il était un peu comme le Gandhi de l'Amérique. Mais quand il demandait la non-violence aux Noirs, est-ce qu'il vraiment il était écouté par les Noirs pour cette non-violence? Ça peut être l'air drôle ce que je vous dis, mais il buvait ses paroles. Il les magnétisait. D'abord par la simplicité de ce qu'il leur disait, et ensuite par l'appel qu'il faisait à leur raison, à leur cœur, à leur bon sens. Et on sentait qu'en dépit du fait qu'il était un Américain, il aimait profondément son pays. Il était bouleversé de voir cette division qui existait. La politicienne et féministe Thérèse Casgrain, au micro d'Andréanne Lafont, le 5 avril 1968, au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, pour retracer la vie et le parcours de Martin Luther King, je reçois Jean-Pierre Lodelonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Lodelonec, bonjour. Bonjour. Parlons justement de ce mythe. Thérèse Casgrain l'évoque un peu, cette grande figure mythique de Martin Luther King. En quoi et pourquoi Martin Luther King occupe une si grande place dans l'imaginaire américain? Martin Luther King occupe une très grande place dans l'imaginaire américain. D'abord, vous l'avez dit, il est assassiné le 4 avril 1968 à un moment où il est très contesté aux États-Unis. Il n'a pas du tout, ce n'est pas une figure particulièrement appréciée de la communauté blanche en 1968. Il est contesté de toutes parts et il est même présenté par le FBI comme la personne la plus dangereuse aux États-Unis dans les années 1960. Donc c'est pas du tout une figure d'union, une figure de communion. Ce n'est pas un père de la nation qu'il est devenu après l'assassinat. Donc le mythe viendra plus tard. Le mythe vient plus tard, il vient quelques jours après son assassinat, mais surtout il vient quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, et en particulier au début des années 80, lorsque Reagan accepte de faire de l'anniversaire de naissance de Martin Luther King une fête nationale, un jour férié, le troisième lundi de chaque mois de janvier. À partir de ce moment-là, Martin Luther King devient une figure consensuelle, il est présenté comme un militant, mais un militant réformateur. Il n'est pas un radical, il n'a jamais fait la promotion de la violence et de la séparation. Il ne s'est jamais présenté comme un nationaliste noir qui voulait créer une nation pour le peuple afro-descendant américain. Il était finalement un père de la nation comme Jefferson ou Washington. C'est important ce côté bon résistant. Thérèse Casgrain parlait de lui, disait c'est un peu le Gandhi d'Amérique. Ce caractère non-violent, ce côté bon résistant, c'est important dans la construction de son mythe? Absolument, absolument. Dans les années 1970 et 1980, les historiens, les spécialistes mettent en place le mythe des bonnes années 60 comparé aux mauvaises années 60. Les bonnes années 60, ce sont les années 1955-1965, et les mauvaises années 60, les années 60 violentes, la guerre du Vietnam, les émeutes urbaines, ce serait 1965, le début des années 1970. Et donc au sein de ce mythe historiographique, Martin Luther King occupe une place très importante, ce serait un militant non violent, le militant de l'amour, de l'agapé, de cet amour fraternel, alors que Malcolm X, contrairement à lui, était favorable à la violence et aux émeutes. En fait, il n'en est rien. Les deux personnes, les deux personnages, Malcolm X et Martin Luther King, étaient des réformateurs insurrectionnels, chacun à leur manière. Martin Luther King était bien sûr apôtre de la non-violence, mais il était aussi un fervent opposant au système capitaliste américain et il dénonçait dans les années 1960 l'accroissement des inégalités de richesse et la situation dramatique caractéristique économique et sociale dans laquelle vivait la population afro-américaine. Opposé au Vietnam aussi, puis on y reviendra parce qu'au sommet de sa popularité, il sera en même temps très, très contesté. Vous le disiez d'entrée de jeu, Martin Luther King, on reviendra là-dessus dans un instant. Un petit mot encore sur ce mythe. Est-ce que ce mythe-là touche tous les Américains, ou si c'est d'abord et avant tout l'affaire de la communauté noire, ou sinon, il y a pour la majorité blanche un héritage Martin Luther King? Absolument. Je crois que c'est un mythe évidemment important pour la communauté afro-américaine, mais c'est désormais un mythe pour toute la nation. Et l'incarnation de ce mythe, c'est l'inauguration du mémorial de Martin Luther King à Washington, sur le Mall, hein, sur cette promenade si symbolique dans la culture américaine. Une espèce de panthéon des Américains. Absolument, absolument. Martin Luther King est un père de la nation, au même titre que Franklin Delano Roosevelt, Thomas Jefferson ou Abraham Lincoln. Oui. Le mémorial King est inauguré en 2011 et il est situé exactement entre le mémorial de Lincoln, père de la réunion de la nation au terme de la guerre de sécession, entre donc Abraham Lincoln et Thomas Jefferson, père de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Martin Luther King est le trait d'union entre Jefferson et Lincoln. Bon, remontons un peu dans le temps pour mieux comprendre le personnage. Il est issu d'un milieu bourgeois, très favorisé, Martin Luther King, ce qui fait qu'il ne connaîtra pas la pauvreté. Il va quand même connaître, parce que noir, la discrimination. Mais parlez-nous de ses origines, de sa jeunesse, au jeune Martin Luther King. Martin ne s'appelle pas Martin, il s'appelle Michael King. Il naît le 15 janvier 1929 dans la banlieue, enfin dans la rue Auburn, qui est un petit peu l'artère de la bourgeoisie noir d'Atlanta. Son père est pasteur de l'église Ebenezer. Son grand-père, du côté maternel, est également pasteur de cette église très importante de la rue Auburn, qui se situe non loin de la demeure familiale. Il grandit dans une famille très religieuse, très traditionnelle. Son père est un patriarche du Sud. Sa mère est institutrice. Elle joue du piano dans l'église familiale. Il grandit entouré de ses frères et sœurs dans une ambiance, encore une fois, hein, très traditionnel, très baptiste, au sens le plus traditionnel du terme. Michael, donc, est rebaptisé Martin Luther, comme son père, à l'âge de 5 ans. Et très, très vite, hein, il développe une passion pour la religion qu'il interprète de manière très traditionnelle jusqu'au début de son adolescence. À partir de 15 ans à peu près, Martin Luther King commence à douter de certains enseignements de son père. Il fait de plus en plus confiance à la raison et de moins en moins confiance à ses émotions religieuses. Et à partir du moment où il rentre à l'université, au Morehouse College, pour étudier la sociologie, Martin Luther King se passionne pour toutes sortes de théologiens occidentaux en général, théologiens qui remettent en cause finalement l'Église et en particulier son message social. Dès l'âge de 15 ans, Martin Luther King se passionne pour les théologiens du christianisme social qui estiment que l'Évangile doit avoir une fonction sociale. Oui. On ne peut pas tout simplement prêcher, il faut aussi chercher à transformer socialement la société dans laquelle on vit. Donc, regard critique sur cette religion, cette spiritualité très, très conventionnelle, très traditionnelle, mais en même temps très grande présence de la religion, de la spiritualité chez Martin Luther King. Quelle place ça va avoir? Quelle influence ça aura dans sa pensée? Cette dimension-là, la dimension religieuse, la dimension spirituelle, dans sa pensée et dans son action. Absolument. J'ai envie de dire que Martin Luther King est un homme de synthèse en ce qui concerne la religion. Il est bien sûr, il a les deux pieds dans la tradition baptiste noire, c'est-à-dire qu'il est le fier héritier d'une théologie noire, de la libération, qui présente finalement le peuple afro-américain comme l'héritier du peuple de Moïse et qui attend désespérément de traverser la mer Rouge, de quitter l'Égypte de l'esclavage pour rejoindre la terre promise de la liberté, terre promise où enfin le peuple d'Abraham pourrait grandir et vivre librement. Martin Luther King donc est le fier héritier de cette tradition baptiste, mais il est aussi très influencé par la tradition, je viens de le dire, du christianisme social, ouais. cette pensée de l'engagement religieux qui émerge aux États-Unis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, alors que les grands pasteurs méthodistes notamment et baptistes, au nord comme au sud, se rendent compte que le capitalisme sauvage donne lieu à des inégalités croissantes de richesse. Donc vous voyez, d'un point de vue religieux, Martin Luther King s'inscrit dans ces deux traditions qui se rejoignent, qui se rejoignent dans la conviction que le peuple afro-américain a le droit de rejoindre la Terre promise. On a fait une émission ensemble sur Rosa Parks et Jean-Pierre Le Glonec. Elle est importante dans le parcours de Martin Luther King. Il va se faire connaître lors du fameux boycott des transports publics de Montgomery à la suite de l'arrestation de Rosa Parks. Quel rôle va-t-il jouer dans cette affaire-là? Un rôle absolument crucial. Martin Luther King est très jeune lorsque le boycott de Montgomery est décidé au début du mois de décembre 1955. Il a seulement 26 ans. Il est inconnu à Montgomery. Cela fait seulement 2 ans qu'il officie en tant que pasteur de l'église de l'avenue Dexter. Il est très jeune, il est inconnu et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on le choisit comme porte-voix du mouvement. Les Noirs américains de Montgomery s'opposent sur les objectifs du boycott et finalement Martin Luther King est présenté comme une personne suffisamment consensuelle parce qu'elle est inconnue justement. Ouais. Martin Luther King se fait connaître le 5 décembre 1957. 55, pardon, au tout début de ce boycott, il donne un discours devant plusieurs milliers de personnes et lors de ce discours, qui est son premier grand discours, il proclame que si les Noirs américains ont tort, alors finalement, c'est Dieu qui a tort. Si les Noirs américains ont tort, alors finalement, c'est la Constitution américaine qui a tort. Ouais. Et ces paroles résonnent dans l'Église, mais elles résonnent aussi à travers la nation. Et à travers ce discours, Martin Luther King fait de lui un républicain. Il est le républicain états-unien par excellence. Il n'est pas révolutionnaire, il n'est pas nationaliste. Il appelle finalement l'Amérique à revenir à ses fondations. Il est un révolutionnaire au sens premier du terme. Hein, c'est cette planète qui fait une révolution autour de son astre ouais. et qui revient de manière régulière à son point de départ. Il appelle les États-Unis à revenir à leur point de départ, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance et la constitution américaine. Et il va concrètement, au-delà des principes très forts qu'il va défendre et de très belle manière et de manière très éloquente, parce que ça va faire partie de son parcours, ce charisme, cette force qu'il a comme orateur, il va réussir, à Montgomery, on va réussir à obtenir des gains concrets et à prouver que l'action dans la non-violence peut donner des résultats. Ça, c'est important. Absolument. Montgomery, finalement, à Montgomery s'illustre deux des croyances de Martin Luther King. D'abord, la croyance en la désobéissance civile qu'il emprunte à Thoreau, ce penseur transcendantaliste de la deuxième partie du 19e siècle. Et à Montgomery s'illustre également l'autre croyance de Martin Luther King qu'il emprunte à Gandhi, c'est-à-dire la croyance que la non-violence est beaucoup plus efficace et la méthode la plus efficace pour obtenir un gain politique. Et à Montgomery, comment est-ce que les Noirs résistent pour boycotter le système de transport public de la ville? Ils résistent en marchant, ouais. ils résistent en chantant, mais ils ne résistent en aucun cas en prenant les armes. Et ça va marcher parce qu'ils auront gain de cause. Il y aura tout un système de discrimination, entre autres dans les transports publics, qui disparaîtra absolument. Après ce boycott des transports publics de Montgomery. Dans le même ordre d'idée, il y a un autre lieu et une autre date qui sont importants. Les événements de Birmingham, en Alabama, toujours, en 1963 cette fois-là. Qu'est-ce qui se passe en mai 63 à Birmingham? Au printemps 1963, en effet, Martin Luther King et pas seulement lui, d'ailleurs, différentes organisations de lutte pour les droits civiques noirs décident de choisir Birmingham comme laboratoire de la fin de la ségrégation. Birmingham et l'Alabama en général sont connus pour leur violence raciale et surtout pour la volonté du gouverneur Wallace, qui a été élu récemment, de ne jamais mettre fin à la ségrégation. Donc Martin Luther King et d'autres leaders de la communauté noire choisissent donc la ville comme laboratoire de la lutte pour les droits civiques. Il demande la fin de la ségrégation dans la ville, il demande la fin des discriminations à l'emploi, la fin de la ségrégation dans les commerces. Et au printemps 1963, c'est donc une bataille pour la fin de la ségrégation qui se met en place dans cette ville particulièrement violente. Le policier en chef, le chef de la police locale, est connu pour ses méthodes extrêmement brutales. Et l'opération Birmingham est connue sous le nom de Opération C. Opération confrontation. Ouais. L'objectif est de confronter la police, de confronter les autorités municipales, de confronter le gouverneur finalement, et de confronter de plein fouet la contradiction des États-Unis, c'est-à-dire cette opposition entre les Blancs et les Noirs d'un côté et de l'autre. Il y aura des images, répression très forte, oui, de gens tout à fait. En gros essentiellement non-violents qui vont faire le tour du pays, qui vont offusquer l'ensemble des Américains en fait. L'objectif de King et de ceux qui l'entourent est vraiment la confrontation, c'est-à-dire de forcer le chef de la police, M. Bull Connor, de le forcer à utiliser la violence. Ouais. On veut que cette violence soit médiatisée et on veut donc mettre la pression sur le président Kennedy qui hésite encore au printemps 1963 à forcer le Congrès à adopter une loi sur les droits civiques. Ouais. Et donc, la confrontation a bien lieu. Le chef de la police utilise chien, mais surtout lance un incendie. Ces lances à incendie sont utilisées en particulier sur des enfants, puisque lors de l'opération Confrontation, on utilise des enfants de 6 à 18 ans, plusieurs milliers d'entre eux. Le premier jour, lorsque l'on utilise ces enfants, eh bien, on les emprisonne en masse. Le deuxième jour, on utilise contre eux les lances à incendie qui cassent les côtes des manifestants, qui les projettent en l'air. La nation, ce jour-là, est traumatisée. Quelques semaines plus tard, un compromis est trouvé entre Martin Luther King et les autorités municipales. 1963, c'est aussi, Jean-Pierre Le Glonec, cette grande marche de Washington et ce célèbre discours « I have a dream ». I have a dream that one day this nation will rise up. Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de sa devise, qui dit que tous les hommes sont créés égaux. That all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day. Even the state of Mississippi, a state... Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children... Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Ce fameux discours « I have a dream », Jean-Pierre Le Glonec, tout le monde le connaît sans vraiment le connaître. Que dit-il, ce discours, et quelle importance? Pourquoi ce discours est-il si important? Il est capital. Il intervient à la toute fin de la journée, le 28 août 1963, à la fin de cette manifestation pour l'emploi et la liberté. Martin Luther King a 8 minutes pour parler, c'est-à-dire autant que les autres. Il intervient à la fin, mais il a autant de temps que les autres. Finalement, il parlera 17 minutes. Parce que la partie que nous venons d'entendre est une partie improvisée. Il n'était pas question qu'il parle de rêve. Dans le discours qu'il avait écrit et qu'on lui avait écrit, il n'était pas question qu'il improvise. Et c'est exactement ça qu'il a fait à la toute fin de son discours, lorsque Mahalia Jackson, la chanteuse de gospel, l'a encouragé en lui disant « Martin, parle-leur de ton rêve. Parle-leur du rêve de l'Amérique. » Il avait déjà utilisé cette métaphore du rêve à Détroit, quelques mois plus tôt. Il l'avait déjà expérimenté. Et à ce moment-là, lorsque Mahalia Jackson l'encourage, il pose ses notes, il met ses mains sur le lutrin, se recule, et il devient pasteur. Ouais. Jusqu'au moment de ce discours, c'est d'abord un homme politique, un homme qui parle finalement à 250 000 personnes qui manifestent pour la liberté et pour l'emploi. Et là, tout à coup, il parle comme un pasteur. On est dans une église à ciel ouvert. Et il appelle les Américains, noirs et blancs, à s'unir autour de la table de la fraternité. Et il est prophète. Il devient prophète. Il prévoit qu'un jour, les hommes seront capables d'arracher à la montagne du désespoir une petite pierre d'espoir. Mmh. Il est l'espoir. Il appelle l'Amérique à croire en elle-même et à croire en l'espoir. C'est un grand discours, c'est un discours rempli d'espoir et c'est ce qui fera sa gloire. Au fond, c'est à ce discours qu'on associe tout de suite son nom. Il est d'ailleurs en 64, l'année suivante, il reçoit le prix Nobel de la paix. Il est vraiment au sommet de sa popularité à ce moment-là. En même temps, il va aussi devenir une cible, ce qui conduira à son assassinat en avril 68. Avant de parler de cet assassinat, un extrait, parce que c'est assez troublant, considérant ce qu'on sait maintenant, ce qui suit. Extrait de son dernier discours. Il est assassiné le 4 avril 68. La veille, le 3 avril 68, il prononce un discours important qui laisse vraiment très, très songeur avec le recul maintenant. On en écoute un extrait. Like anybody, I would like to live long life, longevity has its place. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe maintenant. Je veux simplement accomplir la volonté de Dieu. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y arrive pas avec vous. Mais je veux que vous sachiez, ce soir, que notre peuple atteindra la terre promise. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Le pasteur, le prédicateur dont vous parliez dans « I have a dream », on l'entend peut-être encore plus dans ce dernier discours. C'est très, très important dans la manière Martin Luther King. Cette fin tragique, cette fin de martyr, ce sera son assassinat le lendemain, le 4 avril 68. Qui l'assassine? Dans quelles circonstances? Pourquoi? Des circonstances particulièrement floues. Mais Martin Luther King est assassiné donc le 4 avril vers 18h. Il sort de sa chambre, la chambre du motel Lorraine, chambre 306. Il est de bonne humeur, il vient de dormir, il s'est reposé et il s'apprête avec d'autres à sortir dîner. Il est assassiné d'un seul coup de fusil qui lui fracasse la mâchoire et il est assassiné par un certain James Earl Ray, qui est un... multirécidiviste, criminel en cavale, raciste, il semble certain qu'il l'ait assassiné. C'est lui qui a tiré, ouais. Qui a tiré sur Martin Luther King. James Earl Ray a-t-il agi seul? Est-ce qu'il y a eu complot? Complot dans lequel les services secrets auraient peut-être trempé. Cela fait des dizaines d'années que l'on parle de la possibilité d'un complot. Les historiens n'ont pas encore trouvé, évidemment, les sources qui permettraient de nous éclairer. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, c'est l'Amérique qui tombe. C'est pas seulement Martin Luther King qui est assassiné, c'est son rêve. Le rêve d'une égalité sociale et économique et raciale. Il en reste quoi de tout ça aujourd'hui, Jean-Pierre Le Glonec? Du mythe et du réel accomplissement, je dirais. Il reste de Martin Luther King la figure d'un homme aujourd'hui souvent mal compris. On présente encore une fois Martin Luther King comme un homme modéré, alors qu'au fond c'est un grand radical. Lorsqu'il meurt en 1968, il meurt surtout parce qu'il a appelé à la fin d'un capitalisme sauvage et parce qu'il a appelé à une égalité économique pour toutes les classes des États-Unis, pas seulement les Noirs, mais aussi les Blancs, les Hispano-Américains, les populations d'origine asiatique. Il est, en 1968, non pas seulement un prophète noir, mais un prophète tout court. Jean-Pierre Le Glonec, c'était fascinant. Toujours un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.